Des. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est ta mère et l'amour est ta mère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage.